Dans la peau d'une tigresse, dans la peau d'une tigresse, dans la peau d'une tigresse. Cette tigresse grande et maigre qui est tristement célèbre. Que de la tristesse dans mes rêves, mon sort est tristement célèbre. Oui, le temps était coulé, je fous des coups de griffe à mon maître. Si tu m'as martyré mes petits, alors j'ai martyrisé son être. Ça faisait bizarre de n'être qu'une proie face aux prédateurs. Ma vie n'est pas un film, puisque je ne joue pas un rôle d'acteur. Prise à m'acheter mes passes, à mettre une pièce dans un horodateur. Dans tous les cas, j'aurai le même destin que ce malheureux chasseur. Cette tigresse qui t'agresse car j'ai une faim de loup. Je souffre le martyr et je sens que je ne verrai pas la fin de ce jour. J'espère que t'as compris car je ne vais pas te faire un dessin tout propre. Une chose est sûre, c'est qu'on est parfait l'un pour l'autre. Ils étudient mon comportement, notent tout sur un cahier. Je préfère brûler vive, c'est toujours mieux que d'être empaillé. Les employés me nourrissent, mes petits ont leur patron en guise de nourrice. Une chose est sûre, c'est qu'il y a toujours un truc. Qu'ils oublient de vous dire. Qu'ils oublient de vous dire. Qu'on s'aime, si c'est qu'on s'y met tôt. Si on va travailler le métal comme c'est de siamétaux. Ça fait une éternité que je suis enfermé dans cette cage dorée. Qui me nourrisse pas dans tous les cas, mon repas je l'aurai. Tigresse qui se résile à devenir un petit bout de poussière. L'homme fait des ravages lorsqu'il s'agit d'écraser la fourmilière. Faudrait faire disparaître l'argent afin de protéger notre espèce. Expliquez-moi pourquoi je n'ai que 4 mètres carrés en guise d'espace. Ah, c'est délicat d'en parler, mais je ne possède plus ces griffes acérées. Ils m'ont tout pris, sont prêts à tout promettre, à pris leur manteau, c'est vrai. Que c'est un sacré privilège de porter une fourrure. Ils réalisent des cascades, mais ce ne sont que des doublures. Je suis cette tigresse qui fera tout pour sauver ces petits là, je m'écarte. Je serai juste un peu plus triste si vous n'êtes pas trop réceptif à ce message. Je regarde perdu entre 4 perdus et j'étale les 4 vérités. Juste ma pitoie c'est mon sort, c'est parce que je ne l'ai pas mérité. Je n'ai rien à faire d'autre que de vous raconter mon histoire. Et ce type là se l'approprie mais ce n'est qu'un rappeur d'histoire. D'ailleurs je suis au studio et je refais les comptes d'apothicaire. Encore un texte de plus signé l'architecte et non Apollinaire. Nos vies se consument, nos vies se consomment. C'est fou ce qu'on s'aime. Si on va travailler le métal comme c'est de siamétaux. Ça fait une éternité que je suis enfermé dans cette cage dorée. Qui me nourrisse pas dans tous les cas, mon repas je l'aurai. Nos vies se consument, nos vies se consomment. C'est fou ce qu'on s'aime, si c'est qu'on s'y met tôt. Si on va travailler le métal comme c'est de siamétaux. Ça fait une éternité que je suis enfermé dans cette cage dorée. Qui me nourrisse pas dans tous les cas, mon repas je l'aurai.